Le plan machiavélique, conçu par Don Juan, a bien fonctionné, et Borac s'en vante devant un autre homme de la suite de Don Juan. « Sache donc, cette nuit, j'ai courtisé Marguerite, la suivante d'Héro elle-même. Penchée à la fenêtre de la chambre de sa maîtresse, elle m'a dit mille fois adieu. Je te raconte tout cela confusément. J'aurais dû te dire d'abord comment le prince et Claudio, postés, placés et prévenus par mon maître, Don Juan, qui les accompagnait, ont assisté du jardin à notre aimable entrevue. Et ils ont pris Marguerite pour Héro. Oui, deux d'entre eux, le prince et Claudio. Mais mon diable de maître savait que c'était Marguerite. Enfin, grâce au serment de Don Juan qui tout d'abord les avait ensorcelés, grâce à la nuit noire qui les avait trompés, grâce surtout à ma coquinerie qui avait confirmé toutes les calomnies inventées par mon maître, Claudio est parti exaspéré, jurant d'aller trouver Héro à l'église le lendemain matin, comme c'était convenu, et là, devant toute l'assemblée, de lui jeter à la face ce qu'il a vu cette nuit, et de la renvoyer chez elle sans mari.